Alors, merci beaucoup Annie Vinocur d'avoir rappelé toute l'origine de l'évolution du capital, du capitalisme si on préfère, dans les raisons des problèmes de l'université aujourd'hui. Ça me semble effectivement un point extrêmement important dont on parle beaucoup trop peu souvent hein, quand on parle des problèmes de l'université, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et en particulier, une des critiques que j'avais... que j'ai publié sur le site de SLR sur le livre dédié des rêves fondateurs, c'est que le seul élément d'économie qu'il y a dedans est un graphique parlant de la baisse du pouvoir d'achat des enseignants-chercheurs exclusivement et absolument pas de toutes les autres populations concernées par l'évolution de l'université, les organismes de recherche, et que d'une manière générale, j'ai trouvé que ce livre était un plaidoyer pro domo, à savoir comment se fait-il que l'université qui était prestigieuse ne l'est plus, et eh bien il n'y a qu'à, comme je disais, déshabiller Paul pour habiller Jacques, c'est-à-dire c'est les grandes écoles qui ont trop d'argent, l'université pas assez. Et moi, ça me paraît absolument pas la réponse à la question, à la remarque que vous avez rappelée tout à l'heure, qui est très juste, qui consiste à dire que c'est l'enseignement privé qui est en train d'augmenter. Et que justement, le rôle du politique, c'est justement de donner un service public de qualité et donc plutôt d'essayer d'affaiblir hein, ces intérêts privés qui sont en augmentation. C'est donc pour ça que le fait de se concentrer sur la différence de revenus des universités et des grandes écoles me paraît quelque chose de totalement marginal par rapport à justement tous les problèmes financiers qu'il y a et que Annie Vinocur a rappelé. Alors, d'autre part, je ne vais pas résumer tout ce que j'ai pu écrire à propos de votre livre, mais il y a en plus une autre chose, moi, qui me paraît franchement fausse hein, comme analyse, hein, c'est le fait qu'on reste dans un contexte strictement d'enseignement supérieur, avec en particulier ce lieu commun qui est faux, qu'on répète tout le temps, qui est l'université, c'est celle qui ne fait pas de sélection à l'entrée. Or, je suis désolé, vous l'avez en plus rappelé, il y a un examen d'entrée à l'université. C'est même le premier diplôme universitaire, vous l'avez dit, c'est le baccalauréat. Et en fait, le gros problème que nous avons, et vous n'en parlez absolument jamais, c'est qu'auparavant, le baccalauréat était justement cette méthode de sélection. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas tout le monde à l'université, on n'accepte que les bacheliers. Donc c'était justement le rôle de cet examen de vérifier que les gens qui allaient arriver à l'université étaient aptes à en tirer quelque chose. Et d'ailleurs, quand Napoléon a rétabli l'université après la Révolution, la première chose qu'il leur a demandé de faire, c'est de restaurer justement la mise en place du baccalauréat. Et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, les présidents de jury de bac sont justement des professeurs d'université. Et le gros problème que nous avons, on le sait très bien, c'est qu'il y a eu une massification, ce qui en soi est très bien, de l'enseignement secondaire, avec, pour amener justement ces fameux 80% d'une classe d'âge au baccalauréat, mais avec un manque de moyens et un manque de connaissances du terrain. Et donc, évidemment, c'est le collège unique que je vise, non pas en tant que but en soi, qui était très bien, mais dans la manière dont il s'est fait, hein, qui fait qu'aujourd'hui, le baccalauréat n'a plus cette fonction-là. Et à mon avis, c'est la chose, au contraire, sur laquelle il faut se concentrer, d'autant que justement, le rôle de l'université, c'est aussi de former les formateurs du secondaire. Et j'étais absolument sidéré dans votre livre, alors que justement, le grand mouvement de 2009 que vous analysez avait comme une de ses raisons, à part la LRU au sens strict, c'était la question de la masterisation, c'est-à-dire la question de la formation de nos collègues du secondaire, pour lesquels justement nous sommes intéressés qu'ils arrivent à bien former ceux qui auront le bac pour venir chez nous après. Cette dimension-là, elle est absolument fondamentale parce que c'est ça qui, justement, permettrait une véritable, non pas simplement massification de l'enseignement supérieur, mais une démocratisation. C'est-à-dire qu'effectivement, on arrive à l'université ou dans d'autres établissements avec la capacité d'en tirer un profit. Et donc, moi, j'étais extrêmement déçu par votre livre, alors qu'il y a tout un tas de remarques initiales, bon, les statistiques que vous donnez, les analyses de la manière dont la réforme du LMD s'est faite, etc., avec lequel je suis tout à fait d'accord, mais vous débouchez sur une espèce de jalousie envers les grandes écoles et vous passez complètement à côté des problèmes de fond qui est l'échec hein, de la massification des bacheliers qui aurait dû être fait de manière beaucoup plus intelligente, et dont j'estime que les vrais responsables, ce sont très précisément les présidents d'université. Pourquoi ? parce que ce sont eux qui ont la charge de dire au recteur, voici les professeurs de mon université qui iront au jury de bac et dont le rôle est de vérifier que les bacheliers pourront suivre les enseignements qui sont délivrés dans nos universités. J'aimerais savoir combien de présidents d'université demandent aux professeurs qu'ils envoient de leur dire, alors comment ça s'est passé cette année, où en est la capacité des bacheliers à suivre nos enseignements. Ça aurait dû être ça leur rôle, ils ne l'ont pas fait, ils ont préféré devenir des gestionnaires, complices de ce qu'on connaît aujourd'hui. Pour moi, c'est ça le fond du problème qui explique énormément de choses.